Ça commence comme dans un livre de John le Carré. Un homme, accompagné d'une femme et d'une petite fille, de lourdes valises à la main, progresse à pas rapides dans un couloir sombre. On entend le grondement sourd des rames du métro. Soudain, il s'arrête devant une porte métallique. L'homme pose à terre une des valises, sort un pass de sa poche. Il l'engage dans la serrure, la porte grince. L'homme, la femme et l'enfant s'engagent dans l'ouverture. De l'autre côté, c'est l'Ouest, le monde libre. Werner Stiller a réussi. Et bientôt, les services secrets occidentaux vont se précipiter sur les centaines et les centaines de documents et de microfilms que ces valises contiennent. Je ne garantis pas l'exactitude de tous les détails de cette scène, mais le 18 janvier 1979, c'est à peu près ce qu'il s'est passé dans le métro de Berlin, à la gare de Friedrichstrasse, c'est-à-dire à la frontière entre l'Est et l'Ouest. Au même instant, un officier du service de renseignement de la RDA découvrait qu'un coffre de sécurité du département 13, celui de l'espionnage scientifique, avait été forcé et qu'un pass spécial permettant de franchir le mur de Berlin avait disparu. Aussitôt, le patron du service, le légendaire Marcus Wolf, était alerté, mais il était trop tard. Il ne pouvait que constater que l'un de ses adjoints, le lieutenant Werner Stiller, était vraisemblablement passé à l'ouest. Les dégâts risquaient d'être considérables. Stiller connaissait le nom de nombreuses taupes infiltrées dans les laboratoires et les centres de recherche occidentaux. Il fallait donc réagir au plus vite, activer les procédures d'alarme et d'exfiltration prévues de longue date. Quelques-unes de ces taupes vont effectivement pouvoir être prévenues à temps et passer à travers les mailles du filet, mais en France, un scientifique de haut niveau est appréhendé dès le lendemain. C'est le début d'une longue et étonnante affaire qui va mobiliser le monde de la recherche, susciter de violentes controverses et poser une question fondamentale. Où finit le libre et nécessaire échange d'informations scientifiques entre savants du monde entier et où commence l'espionnage? Une question qui est toujours d'actualité à une époque où les services secrets consacrent une part de plus en plus importante de leur activité au renseignement technologique. Monsieur X a une connaissance très précise de ce dossier, il en dévoile les secrets. Un préalable d'abord, je préférerais ne pas donner le vrai nom de cet homme. Ben pourquoi? Il a passé de longues années en prison, mais à l'issue d'un extraordinaire marathon judiciaire, ce brillant scientifique a été acquitté. Et il n'y a pas si longtemps que cela, puisque c'était en 1991. Par conséquent, je ne crois pas utile de jeter à nouveau son nom en pâture à l'opinion publique, alors que ce retraité doit couler des jours tranquilles quelque part dans notre pays. Ah ben, ce scrupule vous honore, mais enfin, écoutez, pour découvrir ce nom, il suffit de consulter la presse à l'époque. Hein. Bon, livre à vous de le faire. Pour ma part, je m'en tiendrai à ce que je vous ai dit. Pas de nom, mais un pseudonyme. Ben, lequel alors? Sperber, ça vous va? Ah, vous l'avez choisi au hasard? Non, c'était le nom de code qu'on lui avait attribué dans les services est-allemands. Je crois que ça veut dire épervier. Bon, alors, allons pour Sperber. Malgré vos scrupules, que pouvez-vous me dire de lui? Attendez, avant de décrire son parcours, je voudrais souligner un point assez curieux. Sperber a été arrêté sur dénonciation. C'est un certain Stiller, un transfuge qui l'a donné. Un physicien de formation, lui aussi. Stiller exerçait une fonction très importante au HVA, c'est-à-dire le service de renseignement de la RDA. Des fonctions importantes, enfin, lesquelles exactement? Il coordonnait le renseignement scientifique et il avait à sa disposition une cinquantaine d'agents. Il est passé à l'ouest dans la nuit du 18 au 19 janvier 1979. Or, Sperber a été arrêté dès le matin du 19. Ça, c'est la rapidité de cette arrestation qui vous étonne? Évidemment. Bah, écoutez, il fallait faire vite, hein, pour éviter qu'il ne fuit. Sans doute. Mais reconnaissez que la communication entre Berlin et Paris a été excessivement rapide. Alors, il y a une autre explication. Stiller était depuis un bon bout de temps en contact avec les services de l'Allemagne de l'Ouest. Il avait déjà dû fournir des noms de taupes dissimulés dans les installations scientifiques des pays occidentaux. Vous pensez que Sperber était déjà dans le collimateur de la DST, c'est ça? Ça me semble probable. Toutefois, problème éternel, si on l'avait arrêté, on aurait risqué de mettre en péril la source Stiller, bien sûr. Oui, donc, quand il décide de faire défection, enfin Stiller, les services de contre-espionnage peuvent passer à l'action. Mais bien sûr, puisque Stiller ne risque plus rien. C'est ainsi que quelques heures seulement après son passage à l'Ouest, on procède à des arrestations tant en France qu'en Allemagne. J'ai bien compris, alors. Qui est Sperber? Il est né en Allemagne de l'Est, à peu près au moment où Hitler prend le pouvoir. Et après la guerre, il demeure dans ce qui va devenir la RDA. Oui, il y fait ses études. C'est un talentueux sujet en physique et en mathématiques. Et il semble qu'il est approché très vite par les services de sécurité. Dans quel but, là? À l'époque, la Stasi, c'est-à-dire le ministère de la Sécurité, n'est pas encore la pieuvre qu'elle deviendra au fil des ans. Mais il est certain qu'en ces années troublées, on surveille de très près la jeunesse étudiante. Vous voulez dire que le jeune Sperber va devenir un mouchard? Oh, les grands mots, tout de suite. Non, l'étudiant qui s'est d'ailleurs inscrit au Parti communiste se contente d'avoir l'œil. Pardonnez-moi, mais je vois pas bien la différence. Hein. Peut-être avez-vous raison, mais Sperber, qui se révèle être un espoir brillant dans le domaine scientifique, ne doit pas avoir beaucoup de temps à consacrer à moucharder ses camarades ou ses professeurs. Oui, il n'empêche que si je vous entends bien, il a déjà une sorte de vocation, non? Pour l'espionnage? Bah oui. Vous oubliez la ferveur patriotique ou idéologique. Il faut bien se replacer dans le climat de l'époque, quand même. La guerre froide. Bien entendu. Pour un jeune Allemand de l'Est, il y a deux camps. Celui des impérialistes et des revanchards, comme on appelait alors les dirigeants de la RFA, et l'autre, celui des progressistes entièrement attachés à défendre la patrie du socialisme, c'est-à-dire l'URSS. On est pour ou on est contre, mais il n'y a pas de milieu. D'accord, mais tous les Allemands de l'Est n'ont quand même pas travaillé pour les services de sécurité. Pas tous, non, mais enfin beaucoup quand même. Songez qu'on a estimé qu'à la fin des années 80, 500 000 informateurs travaillaient pour la Stasi. Un citoyen de la RDA sur 24, c'est quand même énorme. En effet. Mais revenons là, à celui que vous appelez Sperber. Volontiers. D'après vous, il aurait été informateur des services de sécurité. Mais quand exactement a-t-il franchi le pas? Je vous dois la vérité, je ne sais pas. Et d'ailleurs, est-il devenu vraiment un espion? Ça mérite une explication, ça. Oui, alors, je vous donne une première piste. On peut tout à fait donner l'impression d'être un espion, même se conduire comme tel, sans être forcément un espion. Et disons-le tout de suite, c'est peut-être le vrai mystère de cette affaire. Vous voulez dire que ce Sperber aurait fait semblant? Pourquoi pas? Encore faudrait-il lui trouver une bonne raison pour agir ainsi, hein? Alors, laissez-moi poursuivre. Il est certain que les services est-allemands sont très intéressés par les capacités purement intellectuelles du jeune homme. Question, pardon, quand même. C'est déjà Marcus Wolf qui est à l'époque le patron du service de renseignement? Oui, et malgré son jeune âge, car il a à peine 30 ans. Et Wolf, qui est sans doute l'un des personnages les plus fascinants du monde de l'espionnage, restera en place jusque dans les années 80. On a dit que c'était lui qui avait inspiré le personnage de Carla là, dans les œuvres de John le Carré. Je serais tenté de vous dire qu'on ne prête qu'aux riches. Non, le Carré ne pouvait pas savoir qui était réellement Wolf, car ce dernier a pris soin de demeurer dans l'ombre. Et justement, il faudra attendre la défection de son ami Stiller pour qu'on mette un visage sur ce mystérieux personnage. Pourquoi alors? On va l'identifier comment? Sur un document? Oui, ou... oui, une photo prise, je crois, au cours d'une réunion de notables du Parti communiste est-allemand. Ainsi qu'à l'ouest, on découvrira que le redoutable chef du HVA est un homme séduisant qui a un faux air de Paul Newman. Bien, alors fermons la parenthèse. Donc c'est Wolf qui dirige déjà les services de renseignement à la RDA. Mais Wolf voit très loin. Il sait que l'espionnage est un travail de longue haleine. Il faut placer des pions parfois des années à l'avance avant qu'ils ne deviennent utiles. Ainsi, par exemple, qu'il envoie à l'ouest, et d'abord en Allemagne, bien sûr, des centaines, peut-être même des milliers d'agents dormants qu'on ne réveillera que le jour où leur position professionnelle ou sociale leur permettra de rendre des services à leur patrie d'origine. C'est lui aussi qui enverra tous ces... comment les a appelés, les Roméo, chargés de séduire les secrétaires ouest-allemandes travaillant dans des secteurs sensibles. Exactement, surtout dans les ministères. Une opération qui sera terriblement efficace, mais permettez-moi de revenir à la carrière de Sperber. Il a donc été repéré par les hommes de Marcus Wolf, et en même temps qu'il poursuit des études scientifiques de très haut niveau à l'université Humboldt, il reçoit une formation d'espion. On en est certain? Sperber le reconnaîtra sans difficulté lorsqu'il sera interrogé plus tard par les policiers de la DST. C'est donc un aveu de culpabilité. Sans doute, mais enfin, mettez-vous à sa place. Dans cette Allemagne stalinienne, où les organes de sécurité étaient tout puissants, le jeune homme pouvait-il refuser de collaborer? S'il l'avait fait, il aurait mis en péril sa carrière, sa famille. Vous avez décidément tendance à lui trouver les excuses. Non, non, j'essaie simplement d'être objectif. Beaucoup d'Allemands de l'Est ont été amenés à travailler pour la Stasi parce qu'on ne leur a pas donné le choix. Avec ce genre d'argument, on peut aussi absoudre la plupart des collabos, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dans une société totalitaire, les hommes sont des pions qu'on manipule comme on veut. Les moyens de coercition ne manquent pas. En outre, il n'est pas exclu que le jeune Sperber, au moins dans un premier temps, ait été sincèrement convaincu qu'il allait travailler pour sa patrie. Et pour le socialisme. Naturellement, mais à l'issue de cette formation, tant scientifique que technique, le plus difficile reste à faire. C'est-à-dire l'infiltration à l'ouest de ce brillant sujet. Un mot sur ce Werner Stiller, l'homme qui a dénoncé celui que M. X appelle Sperber. le Berliner Zeitung lui a consacré il y a quelques années un article. On y lit effectivement qu'avant même sa défection, l'ancien agent est-allemand travaillait pour le BND, c'est-à-dire le service de renseignement de l'Allemagne fédérale. Toujours très élégant, cynique, on lui prête ce mot, quand le monde va aussi mal qu'actuellement, le mieux est d'en tirer le maximum de profit, Stiller a subi une opération de chirurgie esthétique faciale afin d'échapper à une éventuelle vengeance de ses anciens employeurs. Dans les années 80, il a écrit un premier livre de souvenirs, Au centre de l'espionnage. Des spécialistes du BND auraient collaboré à la rédaction de cet ouvrage. Il en publiera un second 10 ans plus tard. Cet espion a vécu longtemps aux États-Unis où il a travaillé successivement dans la bourse puis l'immobilier. Il vivrait aujourd'hui à Budapest, sous une fausse identité, naturellement. Enfin, on apprend que la chaîne de télévision allemande ARD lui a consacré un film, Le Chacal Rouge. Titre choc, mais ceux qui l'ont connu affirment que Stiller se prenait volontiers pour James Bond. Et à la lecture de cet article, on peut se poser des questions sur la fiabilité de ce personnage et donc sur l'authenticité des renseignements qu'il a passés à l'Ouest. Mais le saura-t-on jamais ? En effet, si la plupart des archives de la Stasi ont été récupérées par les autorités allemandes et parfois rendues publiques, il n'en a pas été de même pour celles du HVA, le service de renseignement si longtemps dirigé par Marcus Wolf. Autant de secrets qui n'ont peut-être pas été perdus pour tout le monde. Et pour certains spécialistes, cet escamotage n'est pas le moindre des exploits des hommes de Wolf. Alors comment ce Sperber là va-t-il passer à l'Ouest ? À l'instigation du HVA, il se rend d'abord en RFA. Facilement ? En 1959, le mur de Berlin n'a pas encore été édifié. Les échanges sont nombreux à ce moment-là entre l'Est et l'Ouest. Oui, la RFA, ce n'est qu'un transit. Ça, oui, le but c'est de faire de Sperber un Allemand de l'Ouest. Ouais. La confection d'une légende, comme vous dites dans votre jargon ? Même pas. À l'époque, un Allemand de l'Est qui choisissait de passer en RFA recevait automatiquement la nationalité ouest-allemande. Et c'est donc un citoyen allemand dont les papiers sont parfaitement en règle qui pénètre sur notre territoire. Il y a un homme dont on peut penser qu'il a franchi volontairement le rideau de fer. C'est un aspect qui n'est pas négligeable. Sperber donne l'impression d'avoir choisi la liberté, pour reprendre l'expression lancée par Kravchenko. Par conséquent, il n'est même pas obligé de dissimuler qu'il a fait ses études scientifiques en Allemagne de l'Est. Ça se passe quand, ça ? Au tout début des années 60. Et chez nous, Sperber va pouvoir faire état de façon tout à fait régulière de ses connaissances et des diplômes qu'il a obtenus à l'université Humboldt. Il trouve du travail ? Très vite. Il devient stagiaire dans le laboratoire de Louis de Broglie, le prix Nobel de physique. Et ce n'est qu'un début, parce que bientôt, il va être engagé par le CNRS et travaillera à l'université de Paris-Jussieu. CNRS, c'est d'ailleurs le Centre National de la Recherche Scientifique. Oui, et c'est au sein de cet organisme qu'il passera une thèse. C'est donc la preuve que c'est un authentique chercheur, c'est Personne n'en a jamais douté. Ouais. Sans entrer dans des détails trop techniques, quel est le domaine spécifique des recherches effectuées par Sperber ? Rassurez-vous, je serais bien incapable d'entrer dans le détail de ces recherches. Essayons quand même. Sperber est un mathématicien et un théoricien. Sa spécialité, c'est la physique des plasmas. Vous savez ce que sont les plasmas ? Ah, oui, je crois. C'est un état de la matière. Très bien. Ah, mais je vous en prie. Je plaisantais. Les plasmas sont donc des fluides instables qu'on obtient très fugitivement en portant des gaz à de très hautes températures. L'hydrogène, par exemple. Et pour arriver à un tel résultat, on utilise de puissants lasers. J'ajoute que c'est alors un domaine qui est à la pointe de la recherche. Et pratiquement, quel est l'intérêt de cette recherche ? Il y a d'abord l'intérêt purement théorique. La recherche pure. Oui, mais à terme, cette recherche peut déboucher sur la domestication de la fusion thermonucléaire. La bombache ? Non, la technique qui a permis de fabriquer les bombaches est bien connue. Pour les savants, c'est une fusion thermonucléaire non contrôlée. Or, ce que cherchent les savants comme Sperber, c'est d'arriver à maîtriser ces fusions pour un usage civil. Oui, fabrication d'énergie, quoi. Oui, car la fusion des atomes du plasma dégage une énergie fantastique. Une énergie qui serait inépuisable, puisqu'on trouve de l'hydrogène partout. Enfin, n'allons pas plus loin, car je craindrais de ne pouvoir répondre à vos questions. Je demande d'ores et déjà à vos auditeurs de me pardonner si mon exposé leur a paru un peu trop simpliste. Vous êtes bien modeste. Non. Enfin, j'ai simplement une haute idée de mes incompétences. D'accord. Donc, pour simplifier, Sperber travaille sur les plasmas. Et il essaie de traduire mathématiquement les phénomènes qui se produisent lors de leur création. Alors, une question tout de suite. En quoi ces recherches théoriques pouvaient intéresser le monde du renseignement ? Toutes les recherches scientifiques intéressent les espions, parce qu'elles peuvent donner lieu à des applications pratiques, mais surtout parce que ces recherches coûtent très cher. Elles exigent des investissements intellectuels et technologiques considérables. Par conséquent, si le résultat de ces recherches est communiqué à un pays concurrent, ces chercheurs peuvent faire l'économie de ces travaux. Je veux bien vous croire, mais enfin, les savants du monde entier publient leurs travaux et ils échangent sans cesse des informations, cours de colloques scientifiques, ou même aujourd'hui par Internet. Vous avez raison, mais êtes-vous sûr qu'ils se disent tout? Ils gardent pour eux-mêmes toute une série d'informations. Les astuces technologiques ou mathématiques qui leur ont permis, par exemple, d'aboutir. Bref, ils se font des cachotteries. C'est exactement ça. C'est encore plus vrai lorsque ces recherches théoriques peuvent avoir d'éventuelles applications militaires. On y reviendra, si vous voulez bien, car cette question essentielle de la circulation de l'information scientifique sera au cœur de la polémique suscitée par l'affaire Sperber. D'accord. Sperber est donc installé en France. Oui, il s'est marié avec une compatriote. Mais il travaille dans les laboratoires les plus prestigieux, les plus pointus. Est-ce qu'il communique le résultat de ses recherches au service secret de la RDA? Oui. C'est certain? Bien sûr, puisqu'il l'a reconnu après son arrestation. Et pour transmettre ses documents, il utilise la panoplie complète du parfait petit espion. Les messages codés, les micro-photographies, les écritures invisibles, et même le système des boîtes à lettres mortes. Je peux même vous dire, ça va vous faire rire, qu'il a même dissimulé des papiers dans une fausse crotte de chien. Vous savez, comme celle qu'on trouve dans les magasins de farces et attrapes. Vous ne risquez pas de la dérober. Certainement pas, non. Est-ce que Sperber a été rétribué? Oui. Enfin, une misère. Et en presque 20 ans, il n'a reçu que 500 000 francs. Donc d'après vous, l'argent n'était pas son mobile? Non, Sperber n'était pas vraiment intéressé. Mais avait-il conscience, en agissant ainsi, qu'il se livrait à un travail d'espionnage? En tous les cas, il utilisait des méthodes d'espion, ça c'est certain. Mais Sperber a toujours prétendu qu'il n'était pas un espion. Je comprends pas. Je vais vous expliquer. Sperber, lors de ses interrogatoires, ou plus tard, lors des nombreux procès où il a dû comparaître, a affirmé qu'il ne transmettait que des documents ouverts. C'est-à-dire des documents publiés, c'est ça? Oui, ou qui allaient l'être tôt ou tard. Ouais. Par conséquent, pour lui, il ne s'agissait pas d'espionnage. Je veux bien, mais alors, dans ce cas-là, pourquoi transmettre clandestinement ces documents ouverts? Enfin, il suffisait de les envoyer par la poste. Et vous avez parfaitement raison, c'est un des grands mystères de cette affaire. Thierry Volton, dans son ouvrage sur le KGB en France, a consacré plusieurs pages à ce dossier. J'en extrais ces quelques lignes où l'auteur détaille les moyens utilisés par l'homme que la DST a accusé d'espionnage. « Conformément aux vœux de M. X, j'ai remplacé le vrai nom du personnage par celui de Sperber. » Dans le cadre de ses activités scientifiques, il entre en rapport avec un groupe de recherche sur la fusion thermonucléaire par laser qu'animent différents laboratoires de physique théorique expérimentale de l'école polytechnique travaillant pour l'armée. Il n'a pas accès à des documents classifiés, mais il fait parvenir au MFS, il s'agit du ministère de la Sécurité est-allemand, tous les renseignements qui lui tombent sous la main. Sa centrale lui a envoyé un appareil photo Minox dissimulé dans une pendulette et une caméra Pentaka qu'il a reçue dans un ours en pluche. Les ordres de Berlin-Est sont transmis par message codé en ondes courtes comme le font généralement les services de renseignement pour leurs illégaux. Sperber a aussi effectué plusieurs voyages clandestins en RDA via l'Allemagne de l'Ouest, l'Autriche, la Suisse ou la Yougoslavie. Le MFS a même préparé à son attention un plan de fuite. En cas de danger, deux timbres-poste collés sur la boîte aux lettres en bas de chez lui devaient donner l'alerte. Il lui fallait alors se rendre au plus vite à Rotterdam, en Hollande, pour embarquer sur un bateau est-allemand. En l'arrêtant, le lendemain de la défection de Stiller, la DST n'a pas laissé le temps au MFS de le prévenir. Le livre de Thierry Volton, Le KGB en France, a été publié chez Grasset. Alors, ce mystère, Sperber. Bon, encore un petit peu de patience. Voyons d'abord ce qui se passe après l'arrestation de cet homme discret au physique passe-partout. C'est donc seulement quelques heures après la défection de Stiller qu'il est appréhendé. Et il passe tout de suite aux aveux. Oui, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit, il lui aurait été difficile de nier, car je suis persuadé que la DST n'ignorait rien de ses activités. D'autre part, grâce à Stiller, les policiers vont disposer d'un dossier accablant pour Sperber. Et dès qu'elle est connue, l'affaire fait grand bruit. C'est pas tous les jours qu'on arrête un physicien soupçonné d'espionnage. Et immédiatement, les rumeurs les plus folles commencent à courir. Un de vos confrères prétend même que Sperber a transmis à l'Est le secret du rayon de la mort français. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien comme Sperber, physicien atomiste, ainsi qu'on le présente, étudiait l'action de puissants lasers pour réaliser une fusion thermonucléaire, ce journaliste en a conclu que le scientifique est-allemand travaillait à mettre au point une arme redoutable, ce soi-disant rayon de la mort, une invention française. C'est ridicule, non ? Je ne fais pas dire. Ben, il faut vendre du papier, n'est-ce pas ? Et l'histoire de ce savant espion avait tout pour exciter les imaginations. Un prolifique auteur de romans policiers se met d'ailleurs de la partie. Et qui c'est, celui ? Gérard de Villiers. Ah, connaissez ? Il publie dans Paris Match un article sur Sperber et aussi plus généralement sur la pénétration des taupes communistes en France. Et au passage, l'écrivain accuse un authentique savant, Jean-Pierre Vigier, d'avoir favorisé l'entrée de Sperber au CNRS. Pourquoi Vigier ? Parce qu'il a été communiste, hein, c'est ça ? Je crois que vous savez de qui il s'agit. Et finalement, Jean-Pierre Vigier est une figure de l'université française, hein. Un physicien de renom lui aussi, et puis, si je me souviens bien, c'était un grand résistant qui a d'ailleurs rompu avec le Parti communiste depuis fort longtemps. Hein. C'est tout à fait juste. Mais c'est trouvé un député de la majorité de droite pour reprendre à l'Assemblée nationale les accusations formulées contre Vigier et donc l'accuser de complicité avec Sperber. Ce député, dont il est inutile de donner le nom, en rajoute dans la fantasmagorie. Selon lui, le physicien faisait des recherches sur la bombe à neutrons. Ouais, et il a donc transmis les secrets de la bombe à neutrons à l'Est. Oui. Enfin, l'affaire, tout en prenant un tour très politique, semble donc de plus en plus importante. Ouais. Non, il n'en faut pas plus pour bouleverser toute la communauté française des chercheurs. Mais avant ces accusations, est-ce que ces scientifiques avaient réagi lorsqu'ils avaient appris l'arrestation de leur collègue Sperber ? Au départ, il faut les comprendre. Ils ont été abasourdis. Car l'accusation était grave. Leur collègue allemand était quand même soupçonné d'intelligence avec une puissance étrangère. C'était pas rien. Mais peu à peu, c'est vrai, ils vont réfléchir. Et l'attaque contre Jean-Pierre Vigier est un véritable déclencheur. Sperber va donc bénéficier de la solidarité de ses collègues. Oui, mais il faut dire aussi qu'après une période d'abattement consécutive à son arrestation, Sperber relève la tête. Et il se défend bec et ongles. Mais que peut-il dire qu'il soit crédible ? D'abord, il nie avec la plus grande vigueur avoir jamais appartenu à un service de renseignement. Apparemment, c'est un mensonge. Pour lui, non. Faut m'expliquer, alors. On peut avoir été mis en contact avec des agents secrets sans pour autant appartenir à un service. Un bizarre système de défense, car il y a tous ces procédés qu'il a utilisés, ces moyens qu'utilisent seuls les espions. Eh bien, il dit qu'il a été obligé d'agir ainsi à cause de la guerre froide et de l'isolement de la RDA. Ça mérite une nouvelle explication, ça. Sperber affirme que ses collègues scientifiques est-allemands n'ont pas la possibilité de voyager librement. Par conséquent, il leur est venu en aide en leur envoyant des documents qu'ils auraient pu aisément se procurer eux-mêmes s'ils avaient pu venir en France. Des documents qui n'étaient donc pas secrets ? Oui, uniquement des papiers théoriques, des articles qui allaient être publiés dans des revues scientifiques. Et Sperber contre-attaque en revendiquant le droit pour les scientifiques de communiquer avec leurs collègues du monde entier. Car, dit-il, la science est supranationale. Je veux bien, mais encore une fois, pourquoi utiliser des procédés d'espions ? C'est évidemment le point le plus sensible. Je vous concède que les explications de Sperber sont plutôt alambiquées. Alors que dit-il alors ? Il prétend qu'il a utilisé ces trucs d'espion pour prévenir une éventuelle violation du secret postal. Mais si ces documents n'étaient pas secrets, que craignait-il ? Vous avez raison, quelque chose cloche dans la démonstration de Sperber, mais je vous expliquerai. En tout cas, le physicien et ses défenseurs ne se laissent pas démonter et ils vont remarquer que nul article de loi n'interdit d'envoyer par la poste une lettre écrite à l'encre invisible. Ah, c'est tout de même spécieux. Sans doute. Enfin, Sperber affirme aussi que la loi n'interdit pas d'écouter la radio. Je l'espère bien. Mais pourquoi la radio ? Parce qu'on l'accuse d'avoir reçu des messages codés par ce moyen. Des messages envoyés par les services secrets allemands. C'est ce que prétendent les policiers de la DST, ainsi que ses employeurs communiquaient avec lui. Ça fait beaucoup, là. Je suis d'accord avec vous. Enfin, et surtout, Sperber affirme haut et fort que jamais il n'a porté atteinte aux intérêts de la France. Et son argumentation semble suffisamment crédible pour que des centaines de scientifiques renommés viennent à son secours en signant une pétition demandant sa libération immédiate et dénonçant le climat d'espionnage suscité par cette affaire. Ils sont entendus ? Non, Sperber reste en prison. Et comme il se défend d'être un espion, il refuse à l'avance toute idée d'un échange entre la France et l'Est. Un échange d'espions, oui, je veux dire. Ouais. Tout alors que commence un véritable marathon judiciaire. Je résume. Lorsqu'il est arrêté, la Cour de Sûreté de l'État existe encore. C'est donc devant cette juridiction que Sperber doit comparaître. Mais en 1981, la gauche la supprime. Oui, parce qu'elle considère que c'est une juridiction d'exception. Alors on envisage de faire juger le physicien par un tribunal militaire. Mais auparavant, juste avant sa suppression, la Cour de Sûreté de l'État a reconnu que Sperber n'avait divulgué aucun secret de défense nationale. Ah, ce qui mettait à mal l'accusation, donc. Bien entendu, mais enfin, je passe. Finalement, Sperber échappe au tribunal militaire et saisit la Cour européenne de justice. Pourquoi ? Pourquoi exactement ? Parce qu'il est incarcéré depuis plus de 3 ans sans avoir été jugé. Et en 1983, il est remis en liberté sous caution. Et après pas mal de péripéties juridiques, il comparaît en 1990 devant la cour d'assises spéciale de Paris. C'est-à-dire 11 ans après son arrestation. Oui, c'est assez extravagant. Mmh. Il est condamné ? Les magistrats lui infligent 12 ans de réclusion. 12 ans ? Mais la réaction de la communauté scientifique est telle que 6 mois plus tard, Sperber est remis en liberté. L'arrêt de la cour est cassé, il est à nouveau jugé fin 1991. Et cette fois, il est acquitté. Mais il aura quand même passé près de 5 ans en prison. Mmh. L'affaire est donc terminée ? Juridiquement, oui. Oui. Vous voulez dire que l'intrigue n'est pas forcément résolue, c'est ça ? C'est évident. Remarquons d'abord que malgré les demandes pressantes des avocats de Sperber, son principal accusateur, le transfuge Stiller, n'a jamais comparu. Sous prétexte qu'il avait subi une opération de chirurgie esthétique et que nul ne devait voir son nouveau visage. Les magistrats auraient pu demander huis clos. Hein. Oui, je le pense. Mais si Stiller n'a pas comparu, c'est qu'il aurait pu révéler quelques vérités gênantes. C'est-à-dire sa situation d'agent double. Je le pense. Et aussi le fait que Sperber n'était pas réellement un espion. Ça y est, expliqué. Il ne fait nul doute que le physicien a été recruté par la centrale de Marcus Wolf. Mais une fois arrivé en France, Sperber, uniquement préoccupé par ses recherches, a renoncé à être l'espion qu'il devait être. Mais d'une certaine façon, il était tenu par ses employeurs est-allemands. Par conséquent, il lui fallait faire semblant ? C'est ce que je crois. Et ça explique qu'il ait envoyé à RDA des documents non classifiés en utilisant toute la panoplie d'espions qu'on avait mis à sa disposition. Ainsi, il donnait l'impression au service secret de la RDA qu'il remplissait sa mission. Mais il ne trahissait pas son pays d'adoption. Pardonnez-moi, mais ça me semble quand même très tortueux, ça. Peut-être. Et Sperber, c'est sûr, risquait à tout moment de franchir la ligne blanche. Mais connaissez-vous une affaire d'espionnage qui ne soit pas tortueuse ? Jean Guinel et Bernard Violet, dans leur livre sur les services secrets sous Mitterrand, ont exposé cette grave question de la circulation de l'information scientifique. Je les cite. « Depuis le début des années 70, la DST rassemble régulièrement des chercheurs, une quinzaine de milliers par an, dans des amphithéâtres et tente de leur inculquer un minimum de culture du secret. » Problème, les scientifiques y sont rétifs et réclament pour leur part, à l'inverse, de plus larges échanges entre toutes les structures de recherche du monde entier dans pratiquement tous les domaines. Les responsables des services de sécurité ont beau s'arracher les cheveux quand ils s'en aperçoivent, les scientifiques persistent souvent à ouvrir les portes de leurs laboratoires et de leurs centres de recherche à leurs homologues étrangers. Sur 80 000 visiteurs et stagiaires étrangers reçus en France dans ces conditions en 1986, la DST en a contrôlé 34 000, dont 800 venus du RSS et 2 000 japonais. 700 de ces derniers avaient manifesté un intérêt tout particulier pour le commissariat à l'énergie atomique. Mais plus loin, ces deux journalistes donnent la parole à Maurice Bernard, directeur des études et de la recherche de l'école polytechnique. Il a une opinion diamétralement opposée. La communication est essentielle. Faire savoir aux autres scientifiques ce que l'on vient de découvrir et apprendre au plus vite ce que les autres viennent de trouver sont des impératifs. La recherche, par essence, est transparente dans ses résultats et internationale dans son champ d'existence. Il en résulte qu'une institution, une multinationale comme IBM par exemple, ou une nation comme l'URSS, qui l'une et l'autre ont un intérêt stratégique à faire de la recherche, doivent nécessairement laisser à leurs chercheurs une grande liberté de communication, quelques grands que soient les risques, respectivement commerciaux ou politiques, que la liberté fait courir à l'entité correspondante. L'histoire montre que la privation de cette liberté étouffe toute recherche vivante en quelques années. L'ouvrage de Guinel et Violet, paru en 1992 à La Découverte.